Chapitre 2 où le laitier part en voyage. Je m'assis dans un fauteuil prêt à défaillir. Cette sensation dura peut-être 5 minutes et fut suivie d'un accès d'horreur folle. La vue de cette misérable face blanche aux yeux béants m'était insupportable. Je réussis enfin à prendre une nappe que j'étendis dessus. Puis j'allai en titubant jusqu'au buffet et m'emparai du cognac dont j'absorbais plusieurs goulets. Ce n'était certes pas la première fois que je voyais des gens mourir de mort violente, et j'en avais moi-même oxy plusieurs durant la guerre des Matabeles. Mais ce crime, commis de sang-froid et à huis clos, était tout autre chose. Je parvins pourtant à me ressaisir. Je consultai ma montre, elle marquait 10h30. L'idée me vint d'explorer minutieusement toutes les pièces. Il n'y avait personne, ni aucune trace de personne. Je fermai alors tous les volets et les fenêtres au verrou et mis la chaîne à la porte. Cependant, je recouvrai mes esprits avec la faculté de penser. Il me fallut près d'une heure pour mettre la situation au point. Et je ne me hâtai pas, car à moins d'un retour offensif du meurtrier, il me restait jusqu'à 6 heures du matin pour réfléchir. J'étais dans le lac, bien évidemment. Toute ombre de doute quant à la véracité de Scudder avait maintenant disparu. La preuve de son histoire se trouvait là, sous la nappe. Les individus, sachant qu'ils savaient ce qu'ils savaient, l'avaient découvert et avaient pris le meilleur moyen pour s'assurer de son silence. Soit, mais il venait de résider 4 jours chez moi, et ses ennemis devaient bien supposer qu'il m'avait tout dit. Donc, ça allait être mon tour d'y passer. Peut-être cette nuit même, ou demain, ou après-demain, mais de toute façon, mon compte était bon. Soudain, je m'avisai d'une autre probabilité. Je pouvais soit aller maintenant à la police, soit me coucher et laisser à Paddock le soin de trouver le corps et d'y aller le matin. Mais, de toute façon, que raconterais-je concernant Scudder? J'avais déjà induit en erreur Paddock à son sujet et toute l'affaire paraissait déplorablement louche. Si, confessant la vérité, j'avouais à la police ce qu'il m'avait raconté, on se moquerait de moi tout bonnement. J'avais 1000 chances contre une pour me voir accusé du meurtre, et les preuves matérielles étaient suffisantes pour me faire condamner à mort. Peu de gens me connaissaient en Angleterre. Je n'avais pas un seul vrai copain susceptible de témoigner en ma faveur. Peut-être ses ennemis secrets comptaient-ils là-dessus. Ils étaient capables de tout, et une prison anglaise était un aussi bon moyen de se débarrasser de moi jusqu'après le 15 juin, qu'un coup de couteau dans ma poitrine. D'ailleurs, si je racontais toute l'histoire, et si par miracle on me croyait, j'aurais joué leur jeu. Carolides resterait chez lui, et il n'en demandait pas plus. En tout cas, la face morte de Scudder m'avait, par sa seule vue, inspiré une foi définitive en son dessein. Il n'était plus, mais il avait mis sa confiance en moi, et je ne pouvais faire autrement que de poursuivre sa tâche. On trouvera peut-être ce scrupule déplacé chez un homme en danger de mort. Mais telle était ma façon de voir. Je suis un garçon comme tout le monde, pas plus brave qu'un autre, mais je déteste voir un bon champion abattu. Et malgré ce long couteau-là, tout ne serait pas fini pour Scudder si je pouvais jouer la partie à sa place. Au bout d'une heure ou deux passées à réfléchir, ma résolution était prise. Il me fallait disparaître d'une façon quelconque, et restait disparu jusque vers la fin de la première quinzaine de juin. À ce moment, je devais, par un moyen ou un autre, me mettre en rapport avec les gens du gouvernement et leur répéter ce que Scudder m'avait confié. Je regrettais de tout mon cœur qu'il ne m'en eût pas dit davantage et que je n'eusse pas écouté plus attentivement le peu qu'il m'avait dit. Je ne connaissais rien en dehors des faits essentiels. Il y avait beaucoup de chances, même si j'esquivais les autres dangers, pour que l'on ne me crût finalement pas. Je devais encourir le risque et souhaiter qu'il survînt quelque incident capable de confirmer mon histoire aux yeux du gouvernement. Mon premier devoir était de durer encore 3 semaines. Comme nous étions au 24 mai, cela signifiait 20 jours à me cacher avant de pouvoir tenter de joindre les problématiques autorités. Je prévoyais que 2 catégories de gens me recherchaient. Les ennemis de Scudder afin de me supprimer, et la police qui m'accuserait du meurtre de Scudder. Ça allait être une chasse vertigineuse. Mais cette perspective, loin de m'abattre, me stimulait. J'étais demeuré si longtemps oisif que j'accueillais avec joie toute occasion d'activité. Tant qu'il me fallait rester seul avec ce cadavre et m'en remettre au hasard, je ne valais pas mieux qu'un ver de terre écrasé. Mais, du moment où le salut de ma tête dépendait de ma seule intelligence, j'affrontais la lutte avec joie. Je me posais ensuite la question de savoir si Scudère avait sur lui quelques papiers susceptibles de me renseigner un peu mieux. Je soulevais la nappe et explorais ses poches, car le corps ne m'inspirait plus aucune répugnance. Je me posais ensuite la question de savoir si Scudère avait sur lui quelques papiers susceptibles de me renseigner un peu mieux. Je soulevais la nappe et explorais ses poches, car le corps ne m'inspirait plus aucune répugnance. Son visage était merveilleusement calme pour celui d'un homme frappé de mort violente. Il n'y avait rien dans la poche de côté, et seulement quelques pièces de billon et un porte-cigare dans le gilet. La culotte renfermait un petit canif et de l'argent, et la poche intérieure de la jaquette contenait un vieil étui à cigare en peau de crocodile. Pas la moindre trace du petit calepin noir sur lequel je l'avais vu prendre des notes. Je ne doutais pas que l'assassin l'eût emporté. Mais en relevant les yeux, je vis des tiroirs grands ouverts au secrétaire. Jamais Scudère ne les eût laissés dans cet état, car c'était le plus rangé des mortels. Quelqu'un devait y avoir cherché quelque chose, peut-être le calepin. Je passai en revue l'appartement et découvris que tout avait été fouillé, l'intérieur des livres, les tiroirs, les placards, les cassettes, jusqu'aux poches des vêtements de ma garde-robe et au buffet de la salle à manger. Nulle part il n'y avait trace de carnet. Fort probablement l'ennemi l'avait trouvé, mais ailleurs que sur le corps de Scudère. Je pris alors un atlas et consultai une grande carte des îles britanniques. Mon dessein était de gagner une région sauvage ou mettre à profit ma science du Veld, car dans une cité je serais comme un rat en cage. L'Écosse me parut convenir le mieux, puisque ma famille était écossaise et que je pouvais passer partout pour un Écossais quelconque. Je songeais donc d'abord à être un touriste allemand, car mon père avait eu des associés allemands, et l'on m'avait appris à parler couramment cette langue, où je m'étais encore perfectionné grâce à mes 3 ans de prospection pour le cuivre au Damaraland germanique. Mais je comptais qu'il serait moins voyant d'être un Écossais, outre que la police me repérerait moins facilement. Comme région, je choisis le Galloway. C'était la partie sauvage de l'Écosse la plus proche, autant que je pouvais en juger, et à voir la carte, la population n'y abondait pas. Une recherche avec l'indicateur m'apprit qu'un train quittait la gare Saint-Pancras à 7h10, ce qui me mettait dans la soirée à une station quelconque du Galloway. C'était parfait, mais il m'importait davantage de savoir comment arriver à Saint-Pancras, car j'étais trop certain que les amis de Scudère surveilleraient la maison. Ce problème m'arrêta un moment, puis il me vint une inspiration, sur quoi je me mis au lit et dormis 2 heures d'un mauvais sommeil. Je me levai à 4 heures et ouvris les persiennes de ma chambre à coucher. Une jeune lumière d'un beau matin d'été envahissait le ciel, et les moineaux pépiaient déjà. Un grand revirement se fit en moi, et je m'aperçus un pauvre insensé. J'inclinai à laisser aller les choses, convaincu que la police anglaise verrait mon cas sous un jour raisonnable. Mais en récapitulant la situation, je ne trouvais plus aucun argument pour combattre ma décision de la nuit, et je me résolus enfin, la bouche sèche, à exécuter mon plan. J'éprouvais non pas un trac réel, mais comme une répugnance à aller au-devant des ennuis, si j'ose m'exprimer ainsi. Je dénichai un complet de cheviotte très usagé, une paire de forts souliers à clous et une chemise de flanelle à col rabattu. Dans mes poches, je bourrai une chemise de rechange, une casquette de drap, plusieurs mouchoirs et une brosse à dents. J'avais 2 jours plus tôt retiré de la banque une bonne somme d'or pour le cas où Scudère aurait eu besoin d'argent, et je pris là-dessus 50 livres en souverain dans une ceinture que j'avais rapportée de Rhodésie. C'est à peu près tout ce qu'il me fallait. Ensuite, je pris un bain et taillai ma moustache, que je portais longue et retombante, en une courte frange hérissée. Puis je passai à un autre exercice. D'ordinaire, Paddock arrivait ponctuellement à 7h30 et ouvrait lui-même à l'aide d'un passe-partout. Mais vers 7h20, comme me l'avait appris une amère expérience, le laitier s'amenait à grand fracas de bidon et déposait ma provision devant la porte. J'avais vu plusieurs fois ce laitier en sortant pour une promenade matinale. C'était un jeune homme de ma taille à peu près, à la moustache peu fournie, et qui portait une blouse blanche. Sur lui reposait toute ma combinaison. Je pénétrai dans le fumoir obscur où les rays du soleil naissant s'insinuaient peu à peu entre les lames des persiennes. Je déjeunais d'un whisky soda et de quelques biscuits empruntés au buffet. À ce moment, il allait être 6 heures. Je mis une pipe dans ma poche et allai pour remplir ma blague au pot à tabac qui se trouvait sur la table voisine de la cheminée. En manipulant le tabac, mes doigts rencontrèrent un corps dur, et je ramenai au jour le petit calepin noir de Scudder. Cela me parut de bon augure. Je soulevai la nappe de dessus le cadavre et m'étonnai de voir la paix et la dignité de cette face morte. « Adieu, vieux camarade, lui dis-je. Je vais faire tout mon possible pour toi. Souhaite-moi bonne chance où que tu sois. » Puis je restai dans le vestibule à attendre le laitier. Ce fut là le plus dur de l'affaire, car je n'en pouvais absolument plus d'être enfermé. 6h30 passèrent, puis 6h40, et toujours pas de laitier. Cet imbécile avait choisi ce jour entre tous pour venir en retard. Une minute après 7h15, je perçus au dehors le tintamarre des bidons. J'ouvris la porte du palier, notre homme était là, sifflotant, et dégageant mon bidon du faisceau qu'il portait. Il tressauta un peu à mon apparition. « Entrez donc un instant, lui dis-je, j'ai 2 mots à vous dire. » Et je le fis passer dans la salle à manger. « Je suis sûr que vous avez l'esprit sportif, repris-je, et j'ai besoin que vous me rendiez un service. Prêtez-moi votre calot et votre blouse pour 10 minutes, et ce souverain est à vous. » Ses yeux s'élargirent à la vue de l'or, et il s'épanouit en un sourire. « Qui je sais-t-il ? » demanda-t-il. « Un pari, fis-je. Je n'ai pas le temps de vous expliquer. » Mais pour le gagner, il faut que je sois moi-même un laitier pendant 10 minutes. Tout ce que vous avez à faire est de rester ici jusqu'à mon retour. Vous vous mettrez un peu en retard, mais cela ne fera de tort à personne, et vous aurez ce journet pour vous. Ça colle, fit-il joyeusement. C'est pas moi qui empêcherai jamais la rigolade. Tenez, patron, v'là les frusques. Je mis son calot bleu et sa blouse blanche, empoignai les bidons, claquai ma porte, et descendit l'escalier en sifflant. Le portier au bas me conseilla de fermer ma boîte, ce qui voulait dire que mon déguisement était congru. Tout d'abord, je pensais qu'il n'y avait personne dans la rue. Puis je découvrais un policeman à 100 mètres plus loin et un vagabond qui traînait ses savates sur l'autre trottoir. Un instinct me fit lever les yeux vers la maison d'en face et à une croisée du premier étage, j'aperçus une figure. Le vagabond leva les yeux en passant, et je crus voir qu'on échangeait un signal. Je traversai la rue, sifflant allègrement et imitant l'allure faraude du laitier. Mais au premier tournant, je pris une rue transversale et remontai jusqu'à hauteur d'un terrain vague. Comme la rue était déserte, je lançai les bidons de lait par-dessus la palissade et envoyai la coiffure et la blouse les rejoindre. Je venais à peine de mettre ma casquette lorsqu'un facteur déboucha du coin. Je lui souhaitai le bonjour et il me répondit d'un air naturel. À ce moment, 7 heures sonnèrent à une église du voisinage. Je n'avais plus une seconde à perdre. Sitôt arrivé dans Euston Road, je pris mes jambes à mon cou. À l'horloge d'Euston Station, je vis 7h05. À Saint-Pancras, je n'eus pas le loisir de prendre un billet, d'autant que j'ignorais encore ma destination. Un porteur me désigna le quai où j'arrivais comme le convoi s'ébranlait. 2 employés de la gare tentèrent de me barrer le passage, mais je les esquivais et sautai en marche dans la dernière voiture. 3 minutes plus tard, tandis que le train filait en grondant sous les tunnels du Nord, un contrôleur grincheux m'interpellait. Il me délivra un billet pour Newton Stewart, nom qui m'était revenu tout d'un coup à la mémoire, et il me fit passer du compartiment de première classe où je m'étais établi, dans une 3e fumeur, occupé par un marin et une grosse femme avec un poupon. Il s'éloigna tout irrité, et en m'épongeant le front, je fis remarquer à mes voisins, dont mon écossais le plus épais, que c'était une rude affaire d'attraper un train. Je m'étais déjà pénétré de mon rôle. « Je vous demande un peu quel malhonnête ce contrôleur !» prononça la dame d'un ton acerbe. Heureusement qu'il y a des Écossais pour le remettre à sa place. Voulait-il pas me faire prendre un billet pour cette moucheronne, qui aura tout juste un an au mois d'août, et empêcher ce monsieur de cracher ? Le marin l'approuva d'un air flegmatique, et j'entraînai ma nouvelle vie dans une atmosphère de révolte contre l'autorité. Je me souvins que 8 jours plus tôt, je trouvais le monde fastidieux.